Les Noces d'or par Charles-Henri Hirsch. Les années avaient accompli ce prodige que les Bastelas ressemblaient comme des jumeaux, blancs tous les deux, desséchés, trotte-menus, la parole encore vive pour évoquer leur joie, leur longue bonne entente, et qui se voilaient s'ils en arrivaient à dire l'extrême chagrin dont les avait frappé la mort de leur fille unique, seul soutien de leur âge. Ils s'étaient privés pour qu'elle devînt une dame et les dépassât. C'était justice puisque, petite écolière, elle étonnait ses maîtresses par son intelligence. Bastelas avait de plus belle poissé le fil, poussé la laine dans le cuir et manié le tranchet. Sa femme cuisait la soupe, rabaudait les hardes, enfilait les perles, dont sa patience et son habileté faisaient des couronnes funéraires. Ainsi l'enfant pouvait accumuler les richesses du savoir. Avec une sorte de fièvre, elle prévoyait le temps qu'elle dirigerait une classe et distribuerait ce qu'elle apprenait avec allégresse. Quand elle posséda tous les diplômes qu'il faut, et d'autres en plus, après les stages réglementaires dans les écoles, où elle goûtait la joie intense de captiver une cinquantaine de têtes jeunes par la magie de la parole, elle accepta de quitter l'enseignement public parce qu'il lui fallait gagner davantage pour aider à ses pères et mères vieillis très vite et que le travail usait, maintenant, avec une implacable rigueur. Elle devint l'institutrice particulière de deux fillettes dans une famille de riches bourgeoisie où elle eut sa chambre avec un petit boudoir attenant qui ouvrait sur l'avenue du Bois de Boulogne. Chaque fois que les Bastelas pénétraient dans ce luxe, ils éprouvaient l'illusion de l'avoir donné à leur Alice et la gêne d'en profiter, surtout lorsque les gentils élèves venaient leur faire la révérence. Au fond, ils ressentaient un doux orgueil de cela, qui était l'œuvre de leurs mains et de leur épargne. Ils avançaient dans les jours avec la sécurité de les descendre selon la pente douce qu'ils avaient espérée comme la suprême grâce. L'amour d'une telle fille valait au-delà d'avoir économisé beaucoup d'argent. D'elle, ils pouvaient accepter fièrement les subsides qui leur permettaient un relâche de travail. Sa venue tardive dans leur ménage, après environ 20 ans de stérilité, les avait émerveillés comme un signe du destin à leur quarantaine. La future mère y allait atteindre et l'homme y était entré depuis peu. Ils furent en vérité de jeunes époux, autour de ce berceau inespéré, avec un enthousiasme et une gaucherie dont le premier dura, tandis que la seconde, bientôt, ne fut qu'un souvenir et l'occasion d'anecdotes joyeuses. En quelques heures, Mademoiselle Alice fut emportée, où les Bastelas pensaient bien la précéder de loin. Une si belle personne, et qui n'avait pas 30 ans. La veille, elle était si gaie encore. Écoutant la lingère leur parler ainsi de la morte qu'ils contemplaient pourtant coude à coude, n'ayant songé ni à s'agenouiller pour une prière, ni à baiser le front de cire, les deux vieillards pleuraient en silence, tremblaient, admiraient les fleurs, le visage apaisé, les mains d'une vraie reine, comme ils l'avaient tant de fois répété, et ils doutaient de la catastrophe. Ils en doutèrent même en acceptant les condoléances, puis chez eux, après l'atroce retour. Le chagrin les envahit à la vue des choses qu'il leur rappelait Alice à travers ses âges, et ils furent cassés, du même coup, devant l'avenir qui leur semblait toujours si chargé pour elle d'heureuses promesses. Comment ils purent survivre aux funérailles, revoir la chambre mortuaire vide, le boudoir gai de soleil, les deux gentils élèves et la maman, la grand-maman de celle-ci? Cela, c'était incompréhensible, autant la cruauté du sort contre un être bienfaisant, saint, beau à leurs yeux, d'une beauté qui devait écarter le malheur. Ils s'étonnèrent de ce qu'on les plaignit et les interrogea sur leurs ressources, leurs besoins. Elle, qu'on avait couchée dans la terre, c'est elle, n'ayant plus rien, qui avait besoin de tout. Ils ne pensaient qu'à cela, muets l'un auprès de l'autre, entendant à travers un voile qu'on leur verserait une rente, en mémoire de Mademoiselle Alice, jusqu'à leur admission, dont on s'occuperait en toute diligence, dans un asile de retraite où, mieux que chez eux soignés, environnés des autres pensionnaires, ils seraient distraits de leur peine au lieu de la nourrir dans le continuel tête-à-tête. À tout, ils répondirent oui, par politesse. On leur témoignait de la bonté. Ils la devaient à la pauvre enfant qu'ils ne verraient plus jamais. Ne leur était-elle venue si tard que pour les quitter si tôt? Et tout ce qu'elle avait appris, à quoi bon? Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient en ce monde? Ils étaient encore un semestre plus tard. Ils vivaient par habitude, n'ayant toujours pas compris la raison de ce choix de Dieu dans l'ordre universel. Leur deuil les avait encore amenuisés. Leurs pensées convergeaient sur la disparue. À peine s'ils la nommaient, et ils communiaient en elle, pour ainsi dire, à chaque souffle. il n'existait de tempérament passager à l'obsession que la lecture quotidienne du journal, et Bastelat avait tout fini de le lire à présent. Un matin, à cause d'une date imprimée en caractère gras pour annoncer une fête prochaine, la femme remarqua « Le 24 de ce mois, ça fera juste 50 ans depuis notre mariage. » Leur grosse émotion demeura au fond de leur cœur, dans l'ombre que leur enfant y avait amassée. Le lendemain, une lettre les conviait à Avenue du Bois. On enverrait l'auto les prendre. Il s'agissait pour eux d'une bonne nouvelle. Ils entrevirent à leur arrivée une jeune femme qui pouvait être la remplaçante de Mademoiselle Alice, et cela les choqua, puisqu'ils se rendissent compte d'une nécessité qui n'impliquait oubli ni gratitude. La mère des gentilles petites apprit au vieux couple la réussite des démarches entreprises pour lui assurer l'asile. Bastelat remercia à l'imitation de sa femme. Tout seul, il ne s'en serait point avisé, tellement il avait l'idée en perpétuel voyage. « Votre admission est à partir du 24, » continua la protectrice. « Il y a une feuille pour chacun de vous. Voici chacun votre papier. » Madame Bastelat se saisit des deux. Son mari avait la vue faible. Elle lut, remuant les lèvres, et elle compara l'un à l'autre les avis. « Quoi ? Oh ! Oh ! » fit-elle. S'adressant à Bastelat qui sommeillait dans sa douleur paternelle, elle cria, toute frémissante, comme pour appeler au secours, « Étienne, on voudrait nous séparer, lis !» Malgré ses mauvais yeux, il vit qu'elle était admise à l'hospice de V, et lui à la maison de R, chacun à dater du 24 de ce mois. « Oh !» gémit-il à son tour. On leur expliqua que le règlement inviolable exigeait leur séparation. Ils s'étaient pris la main. Pour la première fois depuis le malheur de leur fille, ils pensaient à eux-mêmes violemment et rien qu'à eux. « Le 24, madame, il y aura justement 50 ans depuis le jour de notre mariage, et on voudrait nous séparer ?» protesta la femme. « On aime mieux rentrer chez nous et nous y laisser mourir de faim, » déclara Bastelat. « On les rassura. Ils recevraient leur rente comme ces mois derniers et continueraient de vivre ensemble. L'alerte les avait assommés. Cependant, ils venaient de craindre le sort, après l'avoir cru désarmé de sa colère inique par la perte de leur fille. Quand ils prirent congé, la morte, en leur esprit, était entrée enfin dans la mort. Clopinant, serrés l'un contre l'autre, ils s'enfuirent, éblouis, à l'égal de jeunes mariés qu'on vient d'unir et qui vont à la rencontre du bonheur, ensemble, pour toute une longue suite de jours. C'était Les Noces d'or, par Charles-Henri Hirsch.